Mbote keseni, mbote bapesa kinga, na vanda kinandako, ça je n'ai jamais vu. Papa, attention. La base de la folle à la terre. Soukaya Malili et Salimka. Zotunanga et Salim Basse. Bobi Yanga Boula. Bangi Mobana. Nago Sala le lote. Yantoube Kende Paya Chef. Chantal Salima la vie y a un passé Mote Kesseli Mote Bape Sakinga Navanda Kinanda Ça je n'ai jamais vu.